j'ai des chiens. J'ai des chiens, non? Dans tous les HLM. Tu vois ce que je veux dire, négro? Saint-Léonard, Montréal-Nord, Rive-Sud, Saint-Michel. T'entends ce qui se passe? Hein? Ouais, négro. Qui représente pour la Rive-Nord? Elle a Laval. C'est de l'Ucci, quoi, négro? Hein? De retour, après que la fumée se soit dispersée, je suis le dernier qui reste, mais pas de transverse. Fraîchement sorti de prison, menace de mort, invasion, telles étaient mes accusations. Antécédents judiciaires, avocat, juge, peine sévère, Rive-Nord a pris les billets verts. Faute d'extorsion, enlèvement, rançon, des mauvais garçons. Véhicule de luxe dans les rues, retrouve-moi dans les cabarets de danseuses nues. Une pute de luxe assise sur mes genoux, mon flingue à côté de mes testicules, mes gros bijoux. En route vers l'or et les diamants, j'emmerde les flics et les sergents. Ma philosophie, pouvoir, respect, argent, sur mon deuxième mandat. Rive-Sud, la terre du crime. Rive-Nord, la maison de la fraude. Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Nord, la maison de la fraude. Rive-Sud, la terre du crime. Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud. Point neuf, le fiasco, le chaos, le tsunami. Lorsque j'ai terminé, il y a toujours plus de morts que de survivants. J'allume sur le pasteur venu du Vatican. Putain, lutte action, crucifix certi de diamant. J'essaie de vivre confortablement, comme le pape Benoît. J'ai besoin de stimulants, comme Barack Obama. Des trillions, j'essaie de m'installer dans le même quartier qu'Opra. J'essaie de ne plus trafiquer de ma macoca. Dieu pardonne-moi d'avoir abattu ce crétin, aucun regret. Aucune peur, je reste accompagné d'un longueur. Deux, trois noirs avec des mitrailleurs qui vous terrorisent et sèment la terreur. Casse-toi, va jouer ailleurs. Sud, la terre du crime. Rive-Nord, la maison de la fraude. Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Nord, la maison de la fraude. Rive-Sud, la terre du crime. Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud.